Je ne vous ai encore parlé que de l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous confier comment je comprends la charité purement spirituelle. Je suis bien sûr que je ne vais pas tarder à mêler l'une avec l'autre, mais ma mère, puisque c'est à vous que je parle, il est certain qu'il ne vous sera pas difficile de débrouiller les chevaux de votre enfant. Ce n'est pas toujours possible au Carmel de pratiquer à la lettre les paroles de l'Évangile. On est parfois obligé, à cause des emplois, de refuser un service. Mais lorsque la charité a jeté de profondes racines dans l'âme, elle se montre à l'extérieur. Il y a une façon si gracieuse de refuser ce qu'on ne peut donner que le refus fait autant de plaisir que le don. Il est vrai qu'on se gêne moins de réclamer un service à une sœur toujours disposée à obliger. Cependant, Jésus a dit « N'évitez point celui qui veut emprunter de vous ». Ainsi, sous prétexte qu'on serait forcé de refuser, il ne faut pas s'éloigner des sœurs qui ont l'habitude de toujours demander des services. Il ne faut pas non plus être obligeante afin de le paraître ou dans l'espoir qu'une autre fois, la sœur qu'on oblige vous rendra service à son tour. Car notre Seigneur a dit encore « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque chose, quel gré vous en saura-t-on ? Car les pécheurs même prêtent aux pécheurs afin d'en recevoir autant. Mais pour vous, faites du bien, prêtez sans rien espérer. » Et votre récompense sera grande. Oh oui, la récompense est grande, même sur la terre. Dans cette voie, il n'y a que le premier pas qui coûte. Prêter sans en rien espérer, cela paraît dur à la nature. On aimerait mieux donner, car une chose donnée n'appartient plus. Lorsqu'on vient vous dire d'un air tout à fait convaincu, « Ma sœur, j'ai besoin de votre aide pendant quelques heures, mais soyez tranquille, j'ai permission de notre mère et je vous rendrai le temps que vous me donnez, car je sais combien vous êtes pressée. » Vraiment, lorsqu'on sait très bien que jamais le temps qu'on prête ne sera rendu, on aimerait mieux dire « je vous le donne ». Cela contenterait l'amour-propre, car donner, c'est un acte plus généreux que de prêter. Et puis on fait sentir à la sœur qu'on ne compte pas sur ses services. Ah, que les enseignements de Jésus sont contraires aux sentiments de la nature. Sans le secours de sa grâce, il serait impossible non seulement de les mettre en pratique, mais encore de les comprendre. Ma mère, Jésus a fait cette grâce à votre enfant, de lui faire pénétrer les mystérieuses profondeurs de la charité. Si elle pouvait exprimer ce qu'elle comprend, vous entendriez une mélodie du ciel. Mais hélas, je n'ai que des bégaiements enfantins à vous faire entendre. Si les paroles même de Jésus ne me servaient pas d'appui, je serais tentée de vous demander grâce et de laisser la plume. Mais non, il faut que je continue par obéissance ce que j'ai commencé par obéissance. Mère bien-aimée, j'écrivais hier que les biens d'ici-bas n'étant pas à moi, je ne devais pas trouver difficile de ne jamais les réclamer, si quelquefois on me les prenait. Les biens du ciel ne m'appartiennent pas davantage. Ils me sont prêtés par le bon Dieu qui peut me les retirer sans que j'aie le droit de me plaindre. Cependant, les biens qui viennent directement du bon Dieu, les élans de l'intelligence et du cœur, les pensées profondes, tout cela forme une richesse à laquelle on s'attache comme à un bien propre, auquel personne n'a le droit de toucher. Par exemple, si, en licence, on dit à une sœur quelques lumières reçues pendant l'oraison, et que peu de temps après, cette sœur, parlant avec une autre, lui dise, comme l'ayant pensée d'elle-même, la chose qu'on lui avait confiée, il semble qu'elle prend ce qui n'est pas à elle. Ou bien, en récréation, on dit tout bas à sa compagne une parole pleine d'esprit et d'à propos. Si elle la répète tout haut sans faire connaître la source d'où elle vient, cela paraît encore du vol à la propriétaire, qui ne réclame pas, mais aurait bien envie de le faire et saisira la première occasion pour faire savoir, finalement, qu'on s'est emparé de ses pensées. Ma mère, je ne pourrais si bien vous expliquer ces tristes sentiments de nature si je ne les avais sentis dans mon cœur, et j'aimerais à me bercer de la douce illusion qu'ils n'ont visité que le mien, si vous ne m'aviez ordonné d'écouter les tentations de vos chères petites novices. J'ai beaucoup appris en remplissant la mission que vous m'avez confiée. Surtout, je me suis trouvée forcée de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. Ainsi, maintenant, je puis le dire, Jésus m'a fait la grâce de n'être pas plus attachée aux biens de l'esprit et du cœur qu'à ceux de la terre. S'il m'arrive de penser et de dire une chose qui plaise à mes sœurs, je trouve tout naturel qu'elles s'en emparent comme d'un bien à elles. Cette pensée appartient à l'Esprit Saint, et non à moi, puisque saint Paul dit que nous ne pouvons, sans cet esprit d'amour, donner le nom de Père à notre Père qui est dans les cieux. Il est donc bien libre de se servir de moi pour donner une bonne pensée à une âme. Si je croyais que cette pensée m'appartient, je serais comme l'âne portant des reliques. qui croyait que les hommages rendus aux saints s'adressaient à lui. Je ne méprise pas les pensées profondes qui nourrissent l'âme et l'unissent à Dieu. Mais il y a longtemps que j'ai compris qu'il ne faut pas s'appuyer sur elles et faire consister la perfection à recevoir beaucoup de lumière. Les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Il est vrai que les autres peuvent en retirer beaucoup de profit si elles s'humilient et témoignent au bon Dieu leur reconnaissance de ce qu'il leur permet de partager le festin d'une âme qui lui plaît d'enrichir de ses grâces. Mais si cette âme se complaît dans ses belles pensées et fait la prière du pharisien, elle devient semblable à une personne mourant de faim devant une table bien garnie, pendant que les invités y puisent une abondante nourriture et parfois jettent un regard d'envie sur le personnage possesseur de tant de biens. Ah, comme il n'y a bien que le bon Dieu tout seul qui connaisse le fond des cœurs, que les créatures ont de courtes pensées. Lorsqu'elles voient une âme plus éclairée que les autres, aussitôt elles ont conclu que Jésus les aime moins que cette âme et qu'elles ne peuvent être appelées à la même perfection. Depuis quand le Seigneur n'a-t-il plus le droit de se servir d'une de ses créatures pour dispenser aux âmes qu'il aime la nourriture qui leur est nécessaire? Au temps de Pharaon, le Seigneur avait encore ce droit, car dans l'Écriture, il dit à ce monarque « Je vous ai élevé tout exprès pour faire éclater en vous ma puissance, afin qu'on annonce mon nom par toute la terre. » Les siècles ont succédé aux siècles depuis que le Très-Haut prononça ces paroles, et depuis sa conduite n'a pas changé. Toujours, il s'est servi de ses créateurs comme d'instrument pour faire son œuvre dans les âmes. Si la toile peinte par un artiste pouvait penser et parler, certainement, elle ne se plaindrait pas d'être sans cesse touchée et retouchée par un pinceau, et n'envierait pas non plus le sort de cet instrument, car elle saurait que ce n'est point au pinceau mais à l'artiste qu'il dirige qu'elle doit la beauté dont elle est revêtue. Le pinceau, de son côté, ne pourrait se glorifier du chef-d'œuvre fait par lui. Il sait que les artistes ne sont pas embarrassés, qu'ils se jouent des difficultés et se plaisent à choisir parfois des instruments faibles et défectueux. Ma mère bien-aimée, je suis un petit pinceau que Jésus a choisi pour peindre son image dans les âmes que vous m'avez confiées. Un artiste ne se sert pas que d'un pinceau, il lui en faut au moins deux. Le premier est le plus utile, c'est avec lui qu'il donne les teintes générales, qu'il couvre complètement la toile en très peu de temps. L'autre, plus petit, lui sert pour les détails. Ma mère, c'est vous qui me représentez le précieux pinceau que la main de Jésus saisit avec amour lorsqu'il veut faire un grand travail dans l'âme de vos enfants. Et moi, je suis le tout petit dont il daigne se servir ensuite pour les moindres détails. La première fois que Jésus se servit de son petit pinceau, ce fut vers le 8 décembre 1892. Toujours je me rappellerai de cette époque comme un temps de grâce. Je vais, ma mère chérie, vous confier ces doux souvenirs. À 15 ans, lorsque j'eus le bonheur d'entrer au Carmel, je trouvai une compagne de noviciat qui m'avait précédée de quelques mois. Elle était plus âgée que moi de 8 ans, mais son caractère enfant faisait oublier la différence des années. Aussitôt, bientôt, vous avez eu, ma mère, la joie de voir vos deux petites postulantes s'entendre à merveille et devenir inséparables. Pour favoriser cette affection naissante, qui vous semblait devoir porter des fruits, vous nous avez permis d'avoir ensemble, de temps en temps, de petits entretiens spirituels. Ma chère petite compagne me charmait par son innocence, son caractère expansif, mais d'un autre côté, je m'étonnais de voir combien l'affection qu'elle avait pour vous était différente de la mienne. Il y avait aussi bien des choses dans sa conduite envers les sœurs que j'aurais désiré qu'elle changeât. Dès cette époque, le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes, que sa miséricorde ne se lasse pas d'attendre, auxquelles il ne donne sa lumière que par degrés. Aussi, je me gardais bien d'avancer son heure, et j'attendais patiemment qu'il plaise à Jésus de la faire arriver. Réfléchissant un jour à la perfection que vous nous aviez donnée de nous entretenir ensemble, comme il est dit dans nos saintes constitutions, pour nous enflammer davantage en l'amour de notre époux, je pensais avec tristesse que nos conversations n'atteignaient pas le but désiré. Alors le bon Dieu me fit sentir que le moment était venu, et qu'il ne fallait plus craindre de parler, ou bien que je devais cesser des entretiens qui ressemblaient à ceux des amis du monde. Ce jour était un samedi. Le lendemain, pendant mon action de grâce, je suppliai le bon Dieu de me mettre à la bouche des paroles douces et convaincantes, ou plutôt de parler lui-même par moi. Jésus exauça ma prière, il permit que le résultat combla entièrement mon espérance, car ceux qui tourneront leur regard vers lui en seront éclairés. Psaume 33. Et la lumière s'est levée dans les ténèbres, pour ceux qui ont le cœur droit. La première parole s'adresse à moi et la seconde à ma compagne qui véritablement avait le cœur droit. L'heure à laquelle nous avions résolu d'être ensemble étant arrivée, la pauvre petite sœur, en jetant les yeux sur moi, vit tout de suite que je n'étais plus la même. Elle s'assit à mes côtés en rougissant, et moi, appuyant sa tête sur mon cœur, je lui dis avec des larmes dans la voix tout ce que je pensais d'elle, mais avec des expressions si tendres, en lui témoignant une si grande affection, que bientôt ses larmes se mêlèrent aux miennes. Elle convint avec beaucoup d'humilité que tout ce que je disais était vrai, me promit de commencer une nouvelle vie, et me demanda comme une grâce de l'avertir toujours de ses fautes. Enfin, au moment de nous séparer, notre affection était devenue toute spirituelle, il n'y avait plus rien d'humain. En nous se réalisait ce passage de l'Écriture, le frère qui est aidé par son frère est comme une ville fortifiée. Ce que Jésus fit avec son petit pinceau aurait été bientôt effacé s'il n'avait agi par vous, ma mère, pour accomplir son œuvre dans l'âme qu'il voulait tout à lui. L'épreuve sembla bien amère à ma pauvre compagne, mais votre fermeté triompha. Et c'est alors que je pus, en essayant de la consoler, expliquer à celle que vous m'aviez donnée comme sœur entre toutes, en quoi consiste le véritable amour. Je lui montrai que c'était elle-même qu'elle aimait, et non pas vous. Je lui dis comment je vous aimais, et les sacrifices que j'avais été obligée de faire au commencement de ma vie religieuse, pour ne point m'attacher à vous d'une façon toute matérielle, comme le chien qui s'attache à son maître. L'amour se nourrit de sacrifices. Plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligée de passer rapidement devant le dépôt et de me cramponner à la rampe de l'escalier. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, je trouvais mille raisons pour contenter ma nature. Que je suis heureuse de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est affermie par celui que je voulais aimer uniquement. Je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. Ma mère chérie, je vous ai rappelé le premier travail que Jésus et vous avait daigné accomplir par moi. Ce n'était que le prélude de ceux qui devaient m'être confiés. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Alors je me suis mise dans les bras du bon Dieu, comme un petit enfant, et, cachant ma figure dans ses cheveux, je lui ai dit « Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, remplissez ma petite main et sans quitter vos bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée. Je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous et me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus, et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyée le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu les armes. De loin, cela paraît tout rose de faire du bien aux âmes, de leur faire aimer Dieu davantage, enfin de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. De près, c'est tout le contraire, le rose a disparu. On sent que faire du bien est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Dieu leur a tracé, sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Mais ce n'est pas encore le plus difficile. Ce qui me coûte par-dessus tout, c'est d'observer les fautes, les plus légères imperfections, et de leur livrer une guerre à mort. J'allais dire malheureusement pour moi, mais non, ce serait de la lâcheté. Je dis donc heureusement pour mes sœurs. Depuis que j'ai pris place dans les bras de Jésus, je suis comme le veilleur observant l'ennemi de la plus haute tourelle d'un château fort. Rien n'échappe à mes regards. Souvent je suis étonnée d'y voir si clair et je trouve le prophète Jonas, bien excusable de s'être enfui, au lieu d'aller annoncer la ruine de Ninive. J'aimerais mille fois mieux recevoir des reproches que d'en faire aux autres. Mais je sens qu'il m'est très nécessaire que cela me soit une souffrance. Car lorsqu'on agit par nature, c'est impossible que l'âme à laquelle on veut découvrir ses fautes comprenne ses torts. Elle ne voit qu'une chose. La sœur chargée de me diriger est fâchée. Et tout retombe sur moi qui suis pourtant remplie des meilleures intentions.